La chromanie. Salut cher auditeur, mes délires t'emmènent ailleurs. Comme moi sois voyageur, allez viens n'aie pas peur. Laisse-toi aller, ferme les yeux, tu vas planer. Je te souhaite un bon séjour, tu vas te régaler. La chromanie ouvre toutes ses portes, t'es le bienvenu, viens que je t'escorte. Le soleil nous met des gifles, enlève ton jean, mets-toi en short. Mets-toi le plus à l'aise possible, ici rien n'est impossible. Encore moins inaccessible, tant qu'on t'a pas pris pour cible. Personne s'ennuie, en chromanie y'a toujours d'animation. Après minuit, pas d'ennui en sortant de l'agglomération. Comment te dire que dans ce pays on se sent si bien. Y'a pas mieux pour faire le vide et penser à rien. Les chromaniens sont pisses, les chromaniennes sont des misses. Nous prends pas la tête, on est dans notre planète, loin du vice. C'est l'idéal, y'a pas plus tropical. Je vous envoie ce son en guise de carte postale. Bienvenue la famille, ici on est en chromanie. Ça part en vrille, ça va semer la zizanie. Viens qu'on t'emmène dans ce domaine pour que t'y reviennes. Chromanien, chromanienne, bras levés vers le ciel. Bienvenue la famille, ici on est en chromanie. Ça part en vrille, ça va semer la zizanie. Viens qu'on t'emmène dans ce domaine pour que t'y reviennes. Chromanien, chromanienne, bras levés vers le ciel. La chromanie. La chromanie. La chromanie. La chromanie. Vigilance, je vais accélérer. Kiffer l'ambiance et persévérer. Nouvelle séance. En chromanie, personne peut galérer. Bien sûr que c'est vrai. Y'a pas de teutré. Y'a que des vrais. Avoue que c'est frais. Y'a que des refrais. Jamais en retrait. Réglo et dispo, toujours de près. Eh manie. La chromanie est trop unie. En faire partie, y'a pas de soucis. Plus on est, plus on rit. Tu peux me le dire si t'as kiffé la chire. Ce nouveau délire que je ne cesse d'embellir. T'as bien choisi de venir par ici. T'es bien en chromanie pour oublier tes soucis. Yeah, on est à l'aise, yeah, ça nous fait plaisir. Bienvenue la famille, ici on est en chromanie. Ça part en vrille, ça va semer la zizanie. Viens qu'on t'emmène dans ce domaine pour que t'y reviennes. Chromanien, chromanienne, bras levés vers le ciel. Bienvenue la famille, ici on est en chromanie. Ça part en vrille, ça va semer la zizanie. Viens qu'on t'emmène dans ce domaine pour que t'y reviennes. Chromanien, chromanienne, bras levés vers le ciel. Chromanien, chromanienne, bras levés vers le ciel. Chromanien, chromanienne, bras levés vers le ciel. Chromanien, chromanienne, bras levés vers le ciel. Bras levés vers le ciel pour semer la zizanie. Six refrains essentiels bien posés en harmonie. Arrivée officielle sur Air Chromania Company. Hein? Que le séjour s'achève car le morceau est bientôt fini. Mais t'inquiète, je te fais planer pour les dernières secondes qui te restent. T'as kiffé, re-kiffé, triplement kiffé. Et tu veux pas que ça s'arrête. Rien à foutre de Miami. Ils veulent tous venir en Chromanie. La bonne ambiance pour les vacances. Dégoûté quand ça se finit. En plein dans mon élément. Mon pays connu mondialement. Implanté dans un continent. T'auras qu'à revenir prochainement. Car là c'est trop touristique. On fait exploser le nombre de visites. Surtout qu'il y a des parasites qui s'incrustent sans qu'on les invite. Oh les gratteurs. Bienvenue la famille, ici on est en chromanie. Ça part en vrille, ça va semer la zizanie. Viens qu'on t'emmène dans ce domaine pour que t'y reviennes. Chromanien, chromanienne, bras levés vers le ciel. Bienvenue la famille, ici on est en chromanie. Ça part en vrille,